Chapitre 3. Nous ne parlerons pas aujourd'hui de ces choses qui vous tourmentent, Élisabeth, avait déclaré Horace à son retour. Et il avait essayé de distraire l'esprit de sa cousine, il lui avait dit combien lui plaisait Aigueblanche et ses habitants. Abel est un être charmant, sa sœur est la plus aimable jeune fille que je connaisse. Quant à Willibald, je le crois un homme de grande valeur et de cœur très sensible, sous des dehors assez froids. Il vit s'éclairer le regard fatigué d'Élisabeth. Oui, c'est une âme capable de souffrir beaucoup. Il a une très haute conception du devoir et l'on peut se fier à lui sans réserve. Horace songea. Elle doit l'aimer. Je ne m'en étonne pas, car il paraît fait pour attirer une nature telle que la sienne. Quant à lui... Sans réticence, Willibald avait reconnu tout à l'heure devant Horace qu'il aimait Élisabeth et, libre désormais, comptait lui demander bientôt de devenir sa femme. « Jamais je n'ai dit un mot qui puisse lui laisser soupçonner mes sentiments à son égard, » avait-il ajouté. « Quand je me suis rendu compte de cet amour, défendu alors, j'ai fait mon possible pour m'écarter d'elle autant que je le pouvais, sous divers prétextes. » Mais Agathe a deviné, elle. C'est ainsi que M. de Rudaine a été informé, de la façon la plus tendancieuse naturellement et la plus perfide. Les deux jeunes gens étaient tombés d'accord pour reconnaître que la situation pourrait être dangereuse pour Élisabeth. Judith était, selon l'expression employée par Willibald, diaboliquement astucieuse et semblait avoir contre sa belle-fille une haine toute particulière. Il fallait donc suivre de près son action calomniatrice et saisir l'occasion pour la dénoncer à la justice. Par l'abbé Forgues, Willibald pensait pouvoir connaître tout ce qui se dirait dans le pays à ce sujet. Horace expliqua cela à sa cousine le lendemain matin, pendant qu'ils faisaient tous deux une promenade dans le parc. Elle s'appuyait à son bras et il sentait sa main frémir tandis qu'elle murmurait « Qu'ai-je donc fait à cette femme pour qu'elle me déteste ainsi depuis toujours ?» Ils arrivaient près de l'étang. Tout y était sombre, aujourd'hui, comme le ciel lui-même. Élisabeth étendit la main vers l'eau grise, lugubre. « C'est ici que ma mère est morte !» Quand ils furent près de la berge, Horace considéra longuement les plantes aquatiques. Puis il fit observer... Je me demande comment ma tante a pu avoir l'idée de cueillir une de ces fleurs. Elles sont pour cela trop éloignées de la rive. Oui, n'est-ce pas? Pauvre maman, quelle imprudence! Oui, une imprudence, dit pensivement Horace. Élisabeth regardait maintenant l'endroit où le canot s'était arrêté, où avait péri le petit Thierry. Elle frissonna au souvenir de ce tragique instant. Elle se revit assise en face d'Agathe, elle crut entendre son rire léger, sa voix musicale, prononçant avec une grâce ingénue les perfides insinuations. Et, sitôt après, cette mort... Ne pensez plus à cela, Élisabeth. Horace posait la main sur son épaule. Venez, ce lieu vous rappelle trop de choses pénibles. Il est d'ailleurs par lui-même fort mélancolique et l'attrait qu'il inspirait à ma pauvre tante ne devait pas agir d'une manière favorable sur son moral, déjà éprouvé par ses désillusions conjugales. Comme ils s'engageaient dans l'allée du parc, ils virent venir à eux Willibald et Catherine. Le cœur serré d'Élisabeth se dilata. Willibald, en avançant, la regardait avec une joie contenue. Quand elle lui tendit la main, il y appuya ses lèvres, puis la conserva dans les siennes, tandis qu'il s'informait de sa santé. Tous deux, à cet instant, sans une parole, se firent l'aveu de leur amour. Les quatre jeunes gens reprirent le chemin de la tour. Catherine donnait le bras à son amie. Derrière eux venaient Horace et Willibald. Quand ils passèrent devant le logis du jardinier, le vieil Anselme, qui fumait devant la porte, grommela une vague formule de salutation. « Ça va, Anselme ?» demanda Willibald. « Doucement, monsieur le comte !» « Un vieil original, » dit Willibald quand ils l'eurent dépassé. « Bon serviteur, mais nature un peu sournoise. » Ils firent quelques pas en silence. Catherine parlait avec animation, sans doute pour distraire Élisabeth. Horace dit en baissant la voix, « N'a-t-on jamais attribué la mort de ma tante Daphné à autre chose qu'à un accident ? N'a-t-on jamais eu l'idée qu'elle aurait pu se tuer volontairement ?» Willibald le regarda avec stupéfaction. « Mais non, pourquoi ? Supposeriez-vous ?» J'ai constaté, d'après la distance de la berge au Nénuphar, qu'elle aurait commis une grave imprudence, singulière chez une personne de son âge, si elle avait essayé de cueillir une de ses fleurs. Élisabeth avait fait la même remarque, mais sans y attacher d'importance. « Oui, vous avez raison, » dit Willibald, après un court instant de réflexion. Mais cette jeune femme était profondément croyante, et il me semblerait difficile d'admettre ce suicide. On peut l'admettre s'il s'agit d'une crise mentale provoquée par le chagrin de voir son mari se détacher d'elle. Il paraît, en outre, qu'elle avait l'habitude de venir rêver auprès de cet étang au clair de lune, et cela a pu déterminer dans son cerveau, peut-être prédisposé, un état morbide. Peut-être, en effet, mais je n'ai jamais entendu dire que personne ait fait une supposition de ce genre. Comme les jeunes gens atteignaient la tour, ils rencontrèrent Florestine qui venait de téléphoner pour demander le médecin. La crise pulmonaire, toujours latente chez sa maîtresse depuis quelque temps, semblait s'aggraver. Puis elle apparut très frappée l'autre jour quand je lui ai appris l'accident de l'étang. Depuis ce moment, elle est encore plus sombre qu'à l'ordinaire et elle ne semble plus réagir contre la maladie ainsi qu'elle le faisait auparavant. « Dites-lui, Florestine, que je suis toujours à sa disposition si elle désire me voir. » « Je le lui redirai, mademoiselle. Elle s'est informée hier de la santé de mademoiselle et elle a dit « Au moins, elle n'a pas payé pour les autres, celle-là. »« Pourquoi payer pour les autres ?» demanda Willibald. « Je l'ignore, monsieur le comte. » « Cette pauvre demoiselle est sans doute un peu bizarre, d'après ce que vous m'avez dit, et la maladie ne doit pas rendre ses idées plus normales, » suggéra Catherine, tandis qu'elle montait l'escalier suivie de son amie. « C'est possible, mais je voudrais bien qu'elle me permette d'aller la voir si elle devient plus malade. Florestine est parfaite, entièrement dévouée, et, du point de vue spirituel, elle aura plus d'action que moi sur cette âme aigrie et garée dans son orgueil. Toutefois, il serait pénible qu'aucun membre de sa famille ne fût admis près d'elle. » D'un commun accord, Horace et Willibald avaient décidé de se rendre le lendemain matin chez l'abbé Forgues. Ils trouvèrent celui-ci tout ému, car sa mère venait de lui rapporter le bruit qui courait dans le village. Élisabeth était soupçonnée d'avoir provoqué le fatal mouvement de la barque pour épouser le comte Rudengorth qu'elle aimait et qu'il aimait. Les gens du pays ont beaucoup de sympathie pour Élisabeth et je doute qu'ils croient cette calomnie, ajouta le prêtre. Mais il en serait peut-être autrement si... Le motif prétendu de ce soi-disant crime n'était pas une invention. Il regardait Willibald, dont la physionomie portait la trace des angoisses éprouvées depuis quelques jours. « Il n'y a là rien que d'exact, en effet. J'ai l'intention, après des délais convenables, de demander à Élisabeth si elle veut devenir ma femme. » L'abbé hocha la tête. « Alors, je ne sais... »« Nous la poursuivrons en diffamation, cette Judith !» s'écria violemment Willibald. Il faudrait d'abord prouver d'où viennent ces bruits tendancieux. Or, nous pouvons supposer Madame de Ruden assez habile pour que toute précaution soit prise afin qu'on ne remonte pas jusqu'à elle. Et n'aurait-elle pas, en outre, l'infernale idée de faire agir son mari contre Élisabeth ? Ajouta Horace. Un père qui diffame sa fille, cela semblera tellement monstrueux qu'on croira difficilement à une telle imposture. « Je parle naturellement de ceux qui ne connaissent pas bien ma cousine. »« Vous pensez que M. de Ruden pourrait ?» dit le prêtre, visiblement suffoqué à cette idée. « Si vous aviez assisté à la scène qu'il a faite devant moi, hier, à ma pauvre cousine, vous n'en douteriez guère, monsieur le curé. J'ai compris là que cet homme est complètement sous le joug moral de sa femme et qu'il est devenu presque inconscient de son ignominie. » Élisabeth en a été douloureusement frappée, car elle m'a dit plus tard « Vous êtes heureux, Horace, de pouvoir estimer votre père. Moi, il faut que je lutte contre le mépris. » Willibald serrait les poings. Il dit entre ses dents « Il faudra bien qu'on la muselle, cette misérable. Croyez-vous que je la laisserai salir ainsi la réputation d'Élisabeth ? Ne pourrait-on fouiller dans son passé ? Peut-être découvrirait-on quelque chose dont il serait possible de nous servir contre elle. » Horace déclara qu'il allait se mettre en rapport avec un ami de son père, très à même, par ses relations, de leur être utile en cette occurrence. Puis les jeunes gens prirent congé du prêtre et descendirent le chemin qui menait de l'église au village. Comme ils passaient devant la maison d'Émilie, l'ancienne femme de chambre, celle-ci vint à eux la mine agitée. « Monsieur Willibald, qu'est-ce qu'on raconte sur notre petite demoiselle ? C'est affreux !»« Affreux, oui, Émilie, c'est son odieuse belle-mère qui mène la manœuvre en dessous. Démentez, Émilie, démentez de tout votre cœur !» « Oh, monsieur n'a pas besoin de me le dire. Du reste, personne n'y croit. Elle, tuer quelqu'un volontairement ? Bien sûr que c'est un malheur de voir une jeune femme comme Madame la Comtesse et un beau petit garçon comme Monsieur Thierry périr ainsi, mais ce n'est tout de même pas une raison pour accuser une innocente. Ah, tenez, voilà Blanche qui monte au cimetière. » La femme de chambre, vêtue de deuil, avançait d'un pas pesant. En passant devant la maison d'Émilie, elle tourna un peu la tête vers ceux qui étaient là, et ils virent des yeux qui semblaient morts dans une face ravagée. « Eh bien, ce qu'elle est touchée !» murmura Émilie, visiblement impressionnée. Elle avait une adoration pour Madame la Comtesse Agathe. Je la plains tout de même, quoique sa figure ne m'ait jamais plu. À ma chère défunte maîtresse non plus, d'ailleurs. Elle avait bien hésité à accepter qu'elle me remplace quand j'ai été malade. Ah, que j'ai regretté ensuite de n'avoir pu passer près d'elle les derniers jours de sa vie. « Cette femme a été au service de ma tante ?» demanda Horace. « Oui, monsieur, pendant une quinzaine de jours. Madame de Combron avait beaucoup insisté pour la lui céder en disant qu'elle n'en avait pas besoin à Branchot où la femme de chambre de sa cousine pouvait la servir. » Sans monsieur le comte, madame aurait quand même refusé, je crois. » Willibald suivait des yeux la forme sombre qui s'en allait, un peu courbée, elle si droite auparavant. Cette Blanche était la confidente de Judith et d'Agathe, leur âme damnée. Agathe elle-même avait dit un jour à son mari « Blanche ne reculerait devant rien pour nous. » Cette idolâtrie existait également à l'égard de Thierry. La mort de l'une et de l'autre devait avoir frappé cette femme au plus sensible de son être.